Donc voilà, bah écoutez, merci à vous d'être ici, aussi nombreux, ça fait plaisir. Je suis sûr que notre directrice du fond de son lit doit avoir un grand sourire à vous imaginer, tous présents ici. Donc ce cycle de nouvelles, il a été décidé en concertation Françoise, bien évidemment, avec Bernadette, et puis ensuite avec moi-même. Pourquoi je crois, d'une part, parce que le conseil départemental organisait quelque chose autour de la nouvelle, ça c'était le premier point. Et puis le deuxième point, parce que c'est un genre qui est souvent un peu ignoré, on laisse un peu tomber la nouvelle. Également parce que c'est un genre multiforme. La nouvelle aujourd'hui, on le voit bien déjà dans les appellations. Maupassant appelait ça des contes. Marie-Hélène Lafon appelle ça des histoires. Donc le mot nouvelle est un peu. Voilà. Il prend différentes formes. Donc il y avait aussi ce souci d'éclairer ce genre en invitant quatre nouvellistes dans des écritures différentes et dans une approche de la nouvelle différente. C'est ce qu'on va entendre aujourd'hui avec Alain Quévez, donc notre premier invité, qui va nous faire un petit exposé sur sa conception de la nouvelle et comment lui-même écrit des nouvelles. Alors, une toute petite présentation de notre auteur, mais on va avoir l'occasion après de faire plus ample connaissance. Donc, Alain Quévez écrit des nouvelles et uniquement des nouvelles. Beaucoup de gens ont comme ça différents genres. C'est un nouvelliste. Je sais pas faire autre chose. Ouais, ça, voilà, ils disent toujours ça, je sais pas faire autre chose. Pourquoi vous écrivez, je ne sais pas faire autre chose. Des nouvelles et que des nouvelles, qui ont été récompensées il y a quelques années par le prix Prométhée de la nouvelle pour cet ouvrage, Le geste manqué de l'amant. Le prix Prométhée de la nouvelle n'existe plus depuis 3 ans, mais c'était quand même l'un des prix les plus prestigieux pour ce qui concernait la nouvelle. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le Goncourt de la nouvelle le plus prestigieux. Oui, je crois quand même. Et puis après ça, il y a eu différents recueils de publiés en revue et dans les livres. Quoi vous dire d'autre sur Alain? Écoutez, le mieux, ça serait peut-être d'entrer tout de suite dans le vif du sujet par une lecture de nouvelles, et ensuite on aura le droit à un petit exposé sur le genre lui-même. Est-ce que tu veux dire un mot tout de suite? Oh, non, on va passer tout de suite au mot écrit, parce que quand on se met à écrire, c'est souvent parce qu'on ne sait pas parler, donc autant passer directement au. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Voilà. Allez, une nouvelle. Donc, c'est une nouvelle qui est extraite du dernier recueil en date. Je ne dis pas le dernier recueil parce qu'on ne sait jamais. Qui s'appelle Ce n'est pas mon visage. La bête enfermée. Le village ne ressemblait pas à un village. Peut-être parce que sa vocation viticole ne correspondait pas à mes images de campagne. Peut-être parce qu'on était en Allemagne. Plus sûrement et plus simplement parce que du haut de mes 8 ans, j'avais peu d'expérience. Je n'en connaissais pas chaque maison, n'en avais pas exploré les moindres cachettes. Je n'y retrouvais personne de mon âge avec qui poursuivre une amitié intermittente. Nous n'y venions que de loin en loin. De loin en loin, rendre visite à une grand-tante, pas si vieille sans doute, mais que son patois incompréhensible éloignait. Chaque échange nécessitait d'être au préalable traduit, ce qui me gardait de toute effusion. Si peu que je le connusse, cependant, le village me mettait mal à l'aise, quand, après un repas inhabituel dont je ne pouvais dire si je l'avais apprécié, le goût farineux des pommes de terre à l'eau, que ne sauvait pas tout à fait une sauce épaisse, me revient aujourd'hui en mémoire, nous en faisions le tour, au pas lent des promenades digestives. Et plus encore quand, là, des bavardages de salon, où il n'était question que de parents inconnus, le plus souvent morts, je m'échappais pour faire seul le parcours de la grand-rue jusqu'aux berges cimentées de la rivière. Le village était endimanché. On n'y croisait personne, ou alors aussi emprunté que nous l'étions nous-mêmes, semblant se demander quel concours de circonstances faisait qu'on se retrouvait au milieu de la rue. Il était, pour autant que je me souvienne, dépourvu de points de repère, sans place, église ou mairie qui tint lieu de centre. La rivière, sitôt atteinte, ennuyait. Faute de cailloux à jeter, de buissons où se dissimuler, elle n'était pas un but, juste une bouée à doubler, le signe qu'il était temps de rebrousser chemin. La seule chose que l'on pouvait penser du village, c'est qu'il était coquet, propret. Les adultes autour de moi ne se privaient pas d'exprimer le constat, sans jamais se trouver en panne de synonyme, avec une admiration mêlée d'un je ne sais quoi de dépit. Il rayonnait, au vrai, d'une propreté qui n'était pas pour rien dans le sentiment qu'il m'inspirait. On y eût cherché en vain une venelle, un chemin qui ne fût non pas seulement impeccablement bitumé, mais encore flanqué de trottoirs qu'aucune herbe folle ne traversait. Les arbres, les haies, les massifs étaient taillés avec soin. Les jardinières sur le rebord des fenêtres, les vasques dans les jardins, aux abords de l'arrêt d'autobus, étaient fleuris de gras bégonias. Les engins agricoles, quand ils s'en trouvaient, au repos bien sûr, rutilaient de chromes astiqués. Le sky noir des sièges, le rouge vif, le vert pomme ou le jaune des parties carrossées contrastaient violemment. Même le caoutchouc des pneus qui me dépassaient en taille était aussi luisant qu'une paire de bottes. Il ne me vint jamais à l'idée de m'enquérir de leur usage, la chose me paraissant improbable. Dans les rues, on ne voyait pas de sacs éventrés, de papier gras échappé, d'inscriptions sur les murs, ni même d'affichettes qui se décolla d'un poteau télégraphique. Le village semblait un décor, tout juste monté, sentant encore la colle et le vernis. Je ne pipais mot de l'étrange impression qu'il me faisait, car ce qui m'indisposait constituait justement son principal attrait aux yeux des autres. J'en conclus bientôt que j'étais trop jeune pour comprendre. Le seul élément qui intriguait était une porte cochère dont l'ouverture était entravée par un madrier, lui-même maintenu sur ses crochets par un gros cadenas. Notre promenade rituelle passait devant, et mon père, interprétant le sabir de l'aïeul, ne manquait jamais de nous mettre en garde. Il ne fallait plus courir, crier, chahuter, rire, ce que personne d'ailleurs n'avait eu l'idée de faire, au risque d'exciter le taureau enfermé là. Je n'avais jamais vu de taureau qu'en image, qui ne donnait pas une idée claire de la taille et de la force de l'animal. Celui-là non plus, je ne le voyais pas, mais l'insistance de mon père était plus expressive qu'une gravure du petit Larousse. J'obtempérais donc, d'autant plus facilement que je n'avais personne avec qui crier, sauf peut-être ma grand-tante qui était à moitié sourde, mais je ne trouvais rien à lui dire. Je n'en guignais pas moins la porte, craignant et espérant tout à la fois un signe, un ébranlement qui témoigna du monstre invisible. Le désœuvrement, à n'en pas douter, exauçait l'intérêt que je lui portais. Quand mes pas me conduisaient seuls jusqu'à la porte, mon parcours s'incurvait. Soit que, prudent, je changeais de trottoir à sa hauteur, soit qu'au contraire, la curiosité me poussa à m'approcher au plus près. Ce n'était jamais à moins de 5 mètres, afin de tenter d'entendre l'animal que je ne pouvais voir. Convexe ou concave, ma course était soumise à son aimant puissant. Il y avait là un mystère, une férocité latente, que le reste du village contredisait. Un jour, le ventail frémit. Un autre, un grognement sourd se fit entendre. Peu de choses, en somme. Assez pour me convaincre que l'avertissement n'était pas vain. J'escomptais une catastrophe de mes pauvres audaces, sans vouloir me l'avouer, quelque chose qui eût fait voler en éclats le silence des dimanches avec le verrou de la porte. Mon père évoquait le taureau avec réticence, contraint seulement de traduire la soudaine agitation du verbe et les yeux roulants de ma grand-tante. Peut-être ne croyait-il pas réellement que l'animal pût à nouveau s'échapper et semer la panique, comme il l'avait fait avant ma naissance, ainsi que je pus le comprendre à partir de bribes lâchées. Les temps étaient révolus, les portes étaient plus solides aujourd'hui. Et puis, on se méfiait. Mieux valait s'extasier une fois de plus sur les géraniums, se féliciter de l'opulence retrouvée du village, aimer la paix endimanchée, tirer un trait. Cependant, je croyais percevoir dans le souci de ma grand-tante de nous pénétrer du danger une sorte de fierté. Cet épisode lointain, dont mon imagination remplissait les blancs, constituait le seul fait d'armes du village. Hormis le décompte des absents, l'annonce de nouveaux travaux d'embellissement depuis notre dernière visite, rien ne venait troubler le cours de son existence. Ne valait qu'on en parle. Cette menace, dont ma grand-tante faisait état avec une constance volubile le moment venu, pour la peinture de laquelle elle trouvait une avalanche de mots que mon père se contentait à mon grand dépit de résumer, attestait d'une puissance formidable tapie au cœur de la bourgade. On pouvait certes la contenir, pas la nier. La bête pouvait rugir à nouveau si on voulait. Simplement, on ne le voulait plus. Pour mon père, il était temps d'oublier cette vieille histoire de taureau. Il n'y avait pour ainsi dire plus de bétail au village. La vigne couvrait les coteaux. Les paysans d'hier, frustes et brutaux, qui aboyaient des ordres dans les cours, étaient devenus de respectables entrepreneurs, roulaient en grosses cylindrées. Il va sans dire que pas une trace ne subsistait des dégâts qu'avait causés le monstre quand il s'était précipité dans la rue, avait chargé la foule, dévasté les potagers, avant que les plus courageux ne parviennent à l'acculer, à l'entraver. Il avait fallu l'enfermer. J'aurais aimé en savoir plus, connaître les détails tragicomiques de l'affaire. J'aurais voulu vibrer au récit haletant, railler la frousse des uns, saluer le courage de quelques autres. Mais mon père restait évasif et ma grand-tante inaccessible. C'est pourquoi le taureau, sans l'avoir vu, occupait mes pensées. Je me le figurais noir, avec de petits yeux cruels sous la touffe de poils qui se rabattait sur eux comme une visière. Tantôt, je me mettais en scène, jouais le rôle du libérateur intrépide, donnais des coups de bâton qui lui faisaient courber l'échine. Tantôt, avec cette sagesse des jeunes enfants qui les fait ressembler aux vieillards, je convenais que j'eusse probablement agi comme la plupart des autres. J'essayais aussi de deviner quelle avait été l'attitude de mon père en cette aventure. Avait-il fui, résisté, excité la bête? La sauvagerie des événements l'avait-elle grisé? Toujours je revenais songeur, ruminant mon malaise, mêlé d'ennuis boudeurs, tandis que le soleil des fins d'après-midi disparaissait derrière la colline, planté à perte de vue de ceps trop alignés, comme une Panzerdivision en ordre de marche. Merci. Merci Alain. Donc voilà donc un exemple de nouvelle, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a en fait, chez Alain du moins, je ne sais pas si on peut dire la même chose chez tous les nouvellistes, mais une typologie des nouvelles. On retrouve des manières d'aborder les sujets, on retrouve des thèmes. Donc on va voir ça tout à l'heure. Revenons à des choses plus générales. Pourquoi la nouvelle chez toi? Pourquoi depuis toujours des nouvelles? Quelle est ta conception de ce genre et comment tu l'abordes? Alors, je n'ai évidemment aucune définition de la nouvelle à vous donner. Tu as 3 heures pour parler. Oui, voilà. Plus, hein. Parce que ça, c'est devenu presque une litote. La nouvelle est indéfinissable. Tout le monde se demande ce qu'elle est, personne ne le sait. Pour ma part, la seule chose qui me paraisse incontestable et qui la différencie de toutes les autres formes d'expression, c'est que la nouvelle est un espace clos. On peut imaginer un roman infini, des sagas, la comédie humaine, Harry Potter. Il peut éventuellement y avoir un roman qui se continue en tomes 12, 13, 14, 15. Un poème, c'est pareil. Ça peut partir de l'aphorisme d'une ligne et on peut aller à une cosmogonie, à un poème mythologique, quelque chose qui fasse l'Iliade et l'Odyssée. Rien n'oblige un poème à se terminer. En revanche, si une nouvelle ne se terminait pas, elle ne serait pas une nouvelle. La nouvelle est le seul genre littéraire qui ait clos. Et cette clôture est aussi un espace de liberté, pour moi. Si on y pense, la première apparition de la nouvelle dans l'histoire, c'est le Décaméron de Boccace. Et le Décaméron de Boccace, ce sont des gens qui s'enferment dans une demeure, dans un château, pour fuir, pour se protéger de la peste qui sévit à l'extérieur. Donc ces gens se sont enfermés et se racontent des histoires pour se protéger. Donc la nouvelle, le Décaméron, en tant que premier recueil de nouvelles, il est presque représentatif de tout ce que deviendra la nouvelle, pour moi. La nouvelle, c'est un moyen de mettre à distance le monde par un espace clos. Et de mettre à distance aussi la mort, puisque c'est la peste qui est dehors. La nouvelle, c'est un moyen de mettre à distance, de mettre en perspective la mort. Et comment on s'en protège? Alors, il y a mille et une manières qui sont dans le Décaméron, mais qui sont dans toutes les nouvelles qui suivront après l'histoire. On peut la provoquer, la mort. On peut la mettre en scène, et mettre en scène le diable, les diableries. C'est toute la veine fantastique qui est une des veines de la nouvelle. Hein, pensez à la nouvelle du 19e siècle. La nouvelle fantastique, c'est ce qui a porté la nouvelle au 19e, et même au 20e, si vous pensez à Jean Rey, à Thomas Owen et quelques autres. Donc on met en scène l'autre monde pour l'apprivoiser. On peut aussi s'en moquer, le provoquer. Et ça deviendra tout ce qui est la veine de l'humour noir. On peut aussi se raconter des histoires de crimes horribles, de faits divers effroyables. Et ça deviendra le roman policier ou le genre policier, qui là aussi est déjà en germe dans la nouvelle. Quand je dis des faits divers, la nouvelle, c'est aussi la nouvelle du journal. Et donc on est à la fois enfermé dans son château, mais pour se raconter le monde, pour le rendre, pour l'apprivoiser, pour en faire une fiction. Et puis, de quoi on parle encore dans les nouvelles? On parle des... Alors, toujours pour se protéger de la mort, on peut susciter la force contraire, qui est la vie, qui est l'amour. Donc, dans les nouvelles, il sera beaucoup question d'amour, y compris dans sa partie... dans son aspect le plus charnel, c'est-à-dire tout ce qui est la nouvelle érotique, qui naît aussi dans le Décaméron, mais plus, dans les contes de Canterbury plus tard aussi. Et puis, on est enfermé dans un château, on est entre nous, on est entre gens qui se connaissent. La nouvelle, c'est aussi l'occasion de critiquer les pouvoirs, d'être un petit peu impertinent vis-à-vis de l'ordre. Et que ce soit de tout temps, et en particulier au XXe siècle, toutes les littératures de dictature ont mis à l'honneur la nouvelle, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en URSS. La nouvelle est un espace de liberté où on peut parler. Et ça aussi, c'est caractéristique de la nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors oui, une dernière... on peut aussi se raconter des histoires de choses qui nous sont arrivées et qu'on n'a pas bien comprises soi-même. Des choses qui nous restent sur l'estomac, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de famille. Et on se les raconte parce que le regard ou l'écoute de l'autre, hein, on est dans un château, on se raconte des histoires, et on escompte vaguement, sans trop y croire, que de l'écoute ou du regard de l'autre, on va pouvoir se comprendre, mieux se comprendre soi-même. Pour moi, ce sont les différents aspects de la nouvelle qui sont donc en germe dès le Décaméron, mais qu'on verra après. Après le Décaméron, il y a eu l'Heptaméron, il y a eu, euh, Il y a un recueil aussi qui est intéressant à mon sens. C'est un recueil de Cervantes, donc une cinquantaine d'années plus tard, qui s'appelle Nouvel exemplaire. Mais exemplaire de quoi? Elles sont exemplaires, en fait, du lecteur. Autant la littérature qui précédait était une littérature savante, souvent religieuse, souvent de commentaires, souvent mythologique, la nouvelle, dès le départ, dès sa création, elle ambitionne, en tout cas, de parler du monde d'aujourd'hui, du monde des hommes, pas du monde des dieux. Et dès le départ, autre caractéristique, la nouvelle naît avec la langue vulgaire. C'est-à-dire que le Décaméron est écrit en italien. L'Heptaméron est écrit en vieux français. Il n'y a pas, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un universitaire, mais dans l'Antiquité, il n'y a pas d'équivalent du genre de la nouvelle. La nouvelle naît avec l'émergence des langues vulgaires. Ancien français, ancien italien, ancien... Pourquoi ? Parce que c'est la langue du peuple. C'est la langue dans laquelle on peut aimer, dans laquelle on peut se moquer, dans laquelle on peut critiquer, et dans laquelle on peut parler aux autres et se parler à soi-même. Voilà, assez... évidemment, il y aurait plein de subtilités à introduire, d'exceptions et de choses comme ça. Mais pourquoi j'aime la nouvelle ? Parce que c'est un moyen à la fois de se retirer du monde pour parler du monde dans ce double mouvement. C'est-à-dire, je m'abstrais, je ne fais pas du journalisme, je ne fais pas je ne recrée pas un autre monde, parce que le roman, c'est un peu ça, c'est recréer une fiction longue, mais pour parler toujours du quotidien du mien, mais aussi des autres. Par différents aspects, donc l'humour noir, l'érotisme éventuellement, le pamphlet, l'impertinence, l'amour. Alors, est-ce que la brièveté est inhérente à ce genre clos? Ça dépend ce qu'on appelle brièveté. Les nouvelles les plus brèves... Il y a les fameuses nouvelles de Fénéon en trois lignes. La nouvelle la plus brève qu'on cite régulièrement, c'est celle d'Hemingway, qui est une petite annonce. À vendre Landau, jamais utilisé. Et effectivement, à partir de là, vous avez tout. Vous avez l'histoire, vous avez la chute et vous avez tout l'extérieur. Bon, alors la nouvelle, elle peut partir de deux lignes. Et puis, elle peut aller très loin. Quand on commence une nouvelle, on sait rarement si elle va faire 3 pages, 15 pages, 60 pages. Par contre, on sait qu'elle va s'arrêter. Je refais encore un petit retour en arrière historique. Le mot « nouvelle » au XVIIIe siècle, désignait des récits de 300, 400, 500 pages, sachant que le roman, lui, faisait 4000, 5000, 6000 pages. Hein, Clarisse Harlow en Angleterre. Et donc, quand on parlait d'une nouvelle, c'était un texte de 300 pages. Bon, la limite de la nouvelle, on sait qu'elle est brève par rapport à ce qui est plus long. Mais c'est relatif. Hein. Alors, que dire des recueils de nouvelles où toutes les nouvelles sont liées, soit par la thématique, soit par des personnages récurrents de l'une à l'autre. Est-ce que c'est une manière de briser cet espace clos ou de donner une cohérence? Alors, déjà, il faut qu'on soit clair, l'œuvre littéraire, c'est la nouvelle. Il se trouve que pour des raisons extérieure à la création artistique, qui sont des raisons commerciales, qui sont des raisons techniques, il s'édite très peu de nouvelles isolées. Il s'en édite, mais très peu. Et donc, des raisons commerciales font qu'on a l'habitude de rassembler plusieurs textes pour en faire un livre qui soit suffisamment gros. Mais ça n'est pas une volonté artistique. Au départ. Après, qu'est-ce qui détermine qu'on fasse un recueil? Deux possibilités, selon les auteurs. Soit ce sont les recueils de novembre 2016 à juin 2017. J'en ai 12, ça fait un recueil, je le donne à l'éditeur, je publie. Bon. Soit je décide, sur un temps donné, de rassembler des nouvelles autour d'un thème. Là, on peut effectivement considérer qu'il y a une part volontaire de l'auteur de réunir des textes sur une thématique. Ils sont réunis sur une thématique. Donc ça va être, je sais pas moi, nouvelle à faire peur, nouvelle à ne pas sortir la nuit, nouvelle policière, ou voilà. Mais il y a encore un certain artifice. Théoriquement, chaque nouvelle est lue indépendamment. Chaque nouvelle est un monde fermé. Et on ne passe pas de l'un à l'autre. Et ensuite, effectivement, il y a, pour ainsi dire, depuis le début, eu cette tentation d'œuvre hybride entre la nouvelle et le roman, qui consistait à composer un objet, un livre, où les personnages d'une nouvelle pouvaient réapparaître dans une autre et créer à la fin quelque chose qui pouvait ressembler à un roman. Mais c'est une super construction. On va dire que la nouvelle est une planète, le recueil de nouvelles est un système solaire. Donc il y a effectivement la Terre, mais il y a aussi la planète Mars, il y a la planète Vénus, etc. Elles sont organisées, et bien sûr que quand on lit, c'est évident que quand on lit un recueil de nouvelles, on va être influencé par la page 20 quand on est à la page 60. Même si, théoriquement, il aurait fallu faire table rase à la fin d'un texte. Voilà, cette nouvelle est terminée, je vais commencer la nouvelle, la prochaine. Il faudrait effectivement que le lecteur efface tout. On efface le tableau et on recommence. Mais bon, la rémanence des images fait qu'on est influencé encore par ce qu'on a lu avant. Qu'il y ait un lien réel ou pas, d'ailleurs. Donc, oui, il y a des hybridations, mais ce sont des... Je pense que c'est qu'en littérature, rien n'est jamais simple. Il n'y a pas d'un côté le roman, de l'autre côté la nouvelle, et les gens ne se parlent pas, et il n'y a pas de zone d'ombre, de zone floue. Ben, je crois que le roman par nouvelle, tel qu'il est théorisé par certains ou pratiqué par certains, c'est effectivement une zone floue où on est un petit peu dans le roman et un petit peu dans le recueil de nouvelles. C'est ce qu'a fait Gilles Verdet, par exemple, où à chaque fois, un personnage secondaire, un figurant d'une nouvelle, devenait le personnage principal de la nouvelle suivante. Mais si vous y réfléchissez, c'est ce qu'a fait Balzac avec la Comédie humaine. Les personnages de la Comédie humaine, ils apparaissent dans d'autres romans, simplement ils sont juste là, ils sont signalés dans un roman, ils apparaissent et ils deviennent le personnage principal de l'autre. Mais effectivement, on est confronté à cette ambiguïté qui est que pour l'auteur d'une nouvelle, son œuvre, c'est la nouvelle. Et quelquefois, il a mis un an à écrire une nouvelle. Et la suivante, elle vient 6 mois plus tard ou un an après. Donc pour lui, c'est un autre moment, un autre temps d'écriture. Pour le lecteur, dans le même livre, ça se suit. Et on est l'une l'influence l'autre. Et alors après, bon, j'ouvre juste la parenthèse. Quand je suis devenu éditeur, c'est aussi pour donner la possibilité à des nouvelles isolées d'exister, de publier des livres de 30 pages. Parce que ça ne se faisait plus. Il y avait une collection qui existait au Rocher qui s'est arrêtée. Il y a 2-3 éditeurs qui ont tenté ça. Mais effectivement, c'est difficile. C'est difficile pour tout un tas de raisons, et je m'en suis rendu compte aussi. Mais il faut que la nouvelle isolée, pour garder bien à l'esprit que c'est la nouvelle qui est l'œuvre, et pas le recueil de nouvelles. Alors, il y avait la presse autrefois. Il y avait la presse autrefois, oui. Et il y a encore dans les pays anglo-saxons qui écrivent chez nous. Oui, mais enfin la presse... pendant un certain temps, la presse publiait des textes brefs, des nouvelles, Puis un jour, ils se sont rendus compte que pour fidéliser le lecteur, il serait quand même mieux que le texte s'arrête juste à la fin d'une phrase et qu'on ait et ensuite. Et le feuilleton a supplanté la nouvelle dès le 19e siècle pour ça. Parce qu'une nouvelle fait acheter le journal du jour, mais un feuilleton, il fait acheter le journal pendant 6 mois. Et si vous publiez Rocambole, ou voilà, vous avez un abonnement à vie, hein, tout simplement parce que ça ne se termine pas. Mais effectivement, la nouvelle, elle est évidemment aussi très liée à la nouvelle journalistique. Qu'est-ce qui se passe? On se raconte ce qui se passe. Ben, un fait divers, c'est une nouvelle. Et beaucoup d'auteurs construisent leurs nouvelles à partir de faits divers authentiques. Vous lisez un fait divers, un tel accident, bon ben voilà, c'est une nouvelle. Il suffit de la mettre en forme. Et donc le lien entre la presse et la brièveté de la presse et le côté pas évanescent, enfin très transitoire de la presse, c'est-à-dire que théoriquement une nouvelle, ça dure, on la lit et puis elle disparaît, quoi. Éphémère, voilà le mot que je cherchais. Ben, la nouvelle est aussi un genre éphémère. Théoriquement. Alors, toi, la nouvelle que tu viens de nous lire, là, est-ce que tu te souviens du point de départ, du déclencheur de cette nouvelle, qui est quand même une métaphore, presque une allégorie, mais plutôt une métaphore de cette violence latente, endormie, après-guerre. Ça vient d'où, ça? Est-ce que tu te souviens des points de départ de la plupart de tes nouvelles? Qu'est-ce qui déclenche ça? Eh bien, la plupart... Là, on est encore dans le Décaméron. Dans la plupart, la quasi-totalité de mes nouvelles partent d'une réalité biographique. Ce taureau, il a existé. Ce village, il existe. Donc, c'est le village de ma grand-tante. Simplement, pendant 30 ans, pendant 40 ans, ce n'était qu'un souvenir d'enfance dont je ne savais pas quoi faire. Et il y a un moment où, enfin, c'est peut-être là, alors je ne sais pas si c'est spécifique à la nouvelle, mais c'est peut-être tout simplement de la création artistique, littéraire, où l'intime rencontre l'universel, où un souvenir qui m'est tout à fait privé, personnel, ouais, bah oui, je me souviens, dans le village, là, il fallait faire un petit détour en passant voilà, où ça, qui ne sert à rien, à personne, peut rencontrer une expérience universelle. Soit parce que la peur est commune, soit parce qu'il y a effectivement un sens métaphorique, allégorique, qui puisse en être tiré. Donc au départ, il y avait un vrai souvenir d'enfance, et dans la plupart de mes nouvelles, il y a des souvenirs, alors pas forcément toujours d'enfance, ça peut être de la semaine dernière, hein, ou des choses qui me sont arrivées, mais le tout étant de trouver comment cette matière intime, qui est infinie, enfin qui est infinie, non, pas infini, mais enfin, je veux dire, on en a plein, les souvenirs d'enfance, et tous ne sont pas bons à devenir des œuvres d'art, ou des récits, ou des nouvelles, ou des romans, ou des pièces de théâtre, d'ailleurs, ou autre chose. Alors, comment ça naît en fait, c'est assez difficile. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en tout cas chez moi, où l'évidence, il y a une sorte de révélation. Il y a une sorte de révélation, et elle arrive ou elle n'arrive pas, d'ailleurs. Je peux vous faire raconter en 2 minutes une nouvelle qui est en chantier. Quand j'ai emménagé dans un nouveau logement il y a 5 ans, ou 6 ans, je ne sais plus, et puis quand je suis arrivé, il y a donc j'ai visité, c'était en plein été, en juillet, donc, hein, il y a une fenêtre dont le volet était baissé, donc les volets électriques, et il était en panne, je ne pouvais pas monter le volet. Bon, c'est pas grave, hein, c'est l'été, donc de toute façon, il fait trop chaud, on vit les fenêtres ouvertes, etc. Bon, l'été passe, en plus, il y avait une deuxième fenêtre dans la pièce, donc ça ne me gênait pas plus que ça. Donc l'été est passé avec ce volet fermé. Arrive l'automne, et très vite, bon, j'ai une activité salariée, donc on rentre le soir, il fait déjà nuit, on part le matin, il fait encore nuit, le volet est resté fermé. L'année est passée avec ce volet fermé. Et puis, je me dis, il faudrait quand même qu'un jour je fasse réparer. Et petit à petit, me vient l'idée, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le volet? Et voilà où j'en suis pour l'instant. Je sais que ça deviendra un jour une nouvelle, mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a derrière le volet. Voilà, ça part du vrai, Effectivement, j'ai passé un an avec ce volet fermé à me dire, mais bon, faut que je... bon, dans la réalité, évidemment, je tourne autour, je vois bien ce qu'il y a. Mais qui sait, le jour où ce volet électrique, je vais enfin le faire réparer ou il va monter, qu'est-ce que je vais voir? Donc quand je le saurai, je raconterai. Ça rejoint ce que dit Alain Abzir de toi dans la préface à ce recueil, ou plutôt à l'autre recueil. Alain Quévès est un explorateur. Ses horizons d'aventurier le mènent au-delà des apparences, en marge des histoires ordinaires. Au-delà des apparences, c'est au-delà du volet. Donc, oui, mais oui, mais parce que bon, après, il y a aussi que, bon, sans être, sans prétention, je crois savoir écrire une nouvelle. Je pense pouvoir en faire quelque chose. Le tout est, quelle nécessité? Je vous ai dit, il y a un moment où l'intime doit rencontrer quelque chose de plus grand que moi. Et donc, oui, je pourrais en faire une nouvelle drôle, je pourrais en faire une nouvelle fantastique. Ça peut ouvrir sur un monde étrange ailleurs, etc. Je peux en faire une nouvelle... oui, techniquement, je sais le faire. Mais pour l'instant, rien ne s'impose. Je ne vois pas pourquoi ça irait dans un sens plutôt qu'un autre. Donc j'attends que... Oui, il y a un truc... C'est pas une question d'aspiration. C'est plutôt du commissaire Maigret. C'est bon sang, mais c'est bien sûr. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce qu'évidemment, après, dans le genre de la nouvelle, vous le savez sans doute, on considère que dans toute la chute, enfin tout le sens de la nouvelle doit être présent dès le départ. Et qu'il suffisait de bien regarder, de bien lire. Et bien moi, je suis devant une nouvelle qui n'est pas encore écrite, et puis le jour où je dirais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est que j'aurais compris l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a de ça, quoi. Alors, parmi aussi certaines de tes nouvelles, moi j'appelle ça des dérapages de la réalité, c'est-à-dire on part sur une situation assez banale qu'on a tous vécue, puis on ne comprend pas trop d'un seul coup et ça dérape. Alors ça dérape parfois dans de l'étrange, parfois dans du fantastique, parfois dans de l'absurde. Alors, est-ce que tu as aussi une perception comme ça des choses? Enfin, tu me racontais quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à un GPS qui t'a amené dans un coin pas possible. Raconte ça, est-ce que ça ne serait pas un début de nouvelle, ça? Oui, bah oui, mais là aussi j'ai un début de nouvelle. Il suffit de... Le problème, c'est qu'il faut la fin, quoi. Sinon, ce n'est pas une nouvelle. Non, la nouvelle est un espace clos. Le début est quand même assez... Voilà, bah oui, mais oui, bon voilà, j'entre une adresse dans un GPS, je ne donne pas le détail parce que... Après, c'est... voilà, j'entre une adresse dans un GPS et je suis scrupuleusement la dame qui me dit tourner à gauche, tourner à droite, et puis bon voilà, je circule au milieu des champs, et puis à un moment elle me dit vous êtes arrivé. Voilà, et authentique, hein, je vous le garantis, vous êtes arrivé à la gare. En l'occurrence, je cherchais une gare. Vous êtes arrivé à la gare. Je regarde, c'est au milieu des champs, un chemin vistinal au milieu des champs. Donc, effectivement, la réalité elle-même est là au bord d'un dérapage, parce qu'il y a la réalité technique, quoi. Je pense que le satellite n'était pas bien placé. Et le GPS s'est planté. Et donc, le tout est de... C'est la réalité qui dérape. C'est pas moi. Oui, moi, je me contente... Enfin, si, je dérape aussi, mais c'est dans... Voilà. C'est vrai que quelquefois l'expérience, mais on l'a fait tous, on fait tous cette expérience, il y a des moments où le réel est plus, où la réalité dépasse la fiction, comme on dit. Après, première chose, c'est qu'il faut savoir l'accueillir, être attentif. Et puis ensuite, je reviens toujours à ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On peut la raconter simplement pour passer un bon moment et raconter une anecdote, tu devineras jamais ce que j'ai vu, là tu te rends compte, voilà. Bon, après le tout, il y a un travail d'écriture à en faire et puis peut-être aussi un travail sur sur la nécessité. Moi je reviens toujours, alors c'est peut-être pour ça aussi que j'écris relativement peu, parce que j'éprouve pas le besoin d'écrire pour écrire. Il me faut une nécessité que je me donne moi-même. Hein. C'est pas parce que c'est hyper important ou extraordinairement intelligent ce que j'écris. C'est juste que j'ai eu besoin de l'écrire, celle-là. Et quand je n'ai pas besoin d'écrire, eh bien, je me repose. Voilà. Et donc, j'attends la nécessité de... Alors, effectivement, on voit très bien où ça pourrait mener. Vous êtes arrivé au milieu de nulle part. Ouais, d'accord. Il peut arriver quelqu'un du ciel, il peut arriver quelqu'un du sol, il peut... Voilà. Mais le dérapage, c'est aussi, j'en reviens toujours à mes bourgeois vénitiens qui s'isolent, il y a un moment où la vie devient insupportable, ou devient incompréhensible, il y a un côté dangereux, et où on a besoin de fermer les fenêtres, pour le coup, baisse les volets, et on réfléchit. Et on les rouvrira quand on aura compris. C'est ça, là. C'est ça aussi, la nécessité, c'est de se dire en quoi est-ce que cette nouvelle va m'aider, ou aider éventuellement les lecteurs. Ça, c'est une ambition, mais ça, on n'en saura jamais rien, parce que la nouvelle vit sa propre vie. Une fois qu'elle est publiée, elle fait sa vie sans nous. Bon, c'est vrai de toute autre écriture. Mais en quoi est-ce que écrire ce texte va m'aider à comprendre le monde, à me comprendre moi, à donner du sens à quelque chose qui n'en avait pas. Donc le dérapage, c'est une forme de recul par rapport au monde. C'est de dire ça qui est l'apparence, voilà, GPS en panne, etc. C'est peut-être significatif de quelque chose qui demande à être interprété, ou tout simplement à être compris. Comprendre, c'est donner du sens au monde. Alors, légèrement différent de ce qu'on appelle dérapage, vous voyez ce que c'est, il y a parfois la sensation que l'auteur se joue de nous ou joue avec nous. C'est-à-dire nous plonge d'emblée dans quelque chose qui nous paraît complètement étrange. Et on se dit, où est-ce qu'il veut nous emmener? Et on sent que lui, il sait où nous emmener. Le début de cette nouvelle s'appelle « La mort en marche ». Je n'étais pas totalement éveillé qu'un cadavre se jeta entre mes jambes dans la pénombre de la cage d'escalier de mon immeuble. J'avais négligé d'appuyer sur le bouton de la minuterie, la soupçonnant sans preuve d'être hors service. De sorte que je manquais de trébucher. Je grommelais, c'est quoi ce truc? Ça commence comme ça. Un cadavre se jette. Alors, on continue comme ça, plusieurs fois. Le lendemain, c'est le cadavre d'une femme, c'est le cadavre d'un homme. Et puis, on peut penser qu'on est dans l'absurde. Et ce qui est étonnant, c'est que le sens vient plus tard. Mais le sens, le vrai sens, comme tu dis, l'universel, la peur de la mort, etc. Et ça, c'est assez étonnant. Tu le fais, je crois, j'avais noté dans deux ou trois nouvelles comme ça où tu aimes te jouer de ton lecteur. Parce qu'il se trouve... Alors, bon, c'est vrai que je vous ai dit, tu l'as dit aussi, la nouvelle est protéiforme. Il y a toutes sortes de façons d'écrire des nouvelles, avec chute, sans chute, avec intrigue, sans intrigue, avec une conception presque théâtrale d'un lieu, un événement, un espace ou pas. Il y a des nouvelles qui se passent sur 50 ans et dans trois continents et ainsi de suite. Pour ma part, j'en reste souvent à une conception finalement assez classique d'une histoire avec une chute. Le principe de la chute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit à la fois évidente, une fois qu'elle est révélée, et insoupçonnable tant qu'on ne l'a pas écrite. Donc, qui dit évidence insoupçonnée, dit « je ». Il faut mettre des indices qui feront que quand la chute sera écrite, tout le monde pourra dire « ah mais oui, bon sang, il l'avait dit là, il l'avait dit dès le départ, et je ne l'avais pas vu ». C'est un jeu, c'est-à-dire que autant le lecteur, c'est très vrai dans la littérature policière aussi, puisque dans la littérature policière, on sait qu'il y a un meurtre, et on cherche tous ensemble le meurtrier, l'auteur qui connaît le coupable dès le premier chapitre, se garde bien de nous le dire. Il nous le dira que tout à la fin. Et donc, tout le jeu consiste à être plus rapide que l'auteur. Et quand on a gagné et qu'on est plus rapide que l'auteur, c'est que c'était un mauvais livre. Ouais, j'avais deviné. On est déçu. Ouais, dès le chapitre 3, j'avais compris. Pour une nouvelle, c'est pareil. Si vous comprenez Si vous devinez la chute avant que l'auteur ne la livre, ben c'est pas que la nouvelle est ratée, mais il y a une frustration. Le but, c'est précisément de chercher pendant toute la nouvelle à deviner, mais à ne pas y réussir. C'est contradictoire. On a envie de deviner, mais il ne faut pas qu'on devine. Il faut qu'on se laisse embarquer. Et donc, c'est un art d'illusionniste, c'est vraiment un art d'illusionniste pour l'auteur de se débrouiller pour que tous les éléments soient en place, comme un puzzle, comme le petit train des interludes, pour ceux qui ont connu les interludes d'autrefois. Tout y était. Ça ne rajeunit pas, ça. Eh ben oui, en noir et blanc, c'était bien. Et puis à la fin, tout s'enchaîne et tout se goupille et rien ne permet de dire « Ah oui, mais là, il y a une contradiction, c'est pas possible. » Non, il faut que tout fonctionne, mais pas qu'on l'ait vu. Donc, la dimension du jeu dans la nouvelle, oui. Parce que la chute, parce que ça, c'est le fonctionnement de la chute, de la nouvelle à chute. Mais il y a des nouvelles où il n'y a pas de chute. Hein. Ça n'est pas obligatoire. Pour moi, oui, souvent, j'en mets. Oui. Alors, ce jeu avec le lecteur, parfois, c'est la sensation d'être mené en bateau, de comprendre quelque chose et de s'horrifier. C'est absolument horrible et tout. Et tout à la fin, de comprendre que c'était tout autre chose, en fait. Alors, il y a une des nouvelles, je ne sais pas comment tu prononces ça, Tangram ? Tangram. Tangram, oui. Tangram, donc apparemment, c'est un jeu chinois d'assemblage et tout. Et on assiste quand même à un type qui est en train de découper de la viande, tout en parlant de son épouse qui l'a quitté. Et puis plus on lit, plus on dit, oh la vache, il est en train de découper sa femme. Et apparemment, ça ne rentre jamais dans le frigo. Il y a toujours un morceau qui dépasse. J'en dis quand même, il est gentil, hein, mais c'est un peu dégoûtant son truc. Et puis tout à la fin, voilà, c'était pas ça. Fort heureusement, mais l'ambiguïté est menée jusqu'au bout. Il y a aussi cette autre nouvelle, Faubon, où c'est un type qui décide qu'il ne va pas y aller. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas où il ne va pas y aller, pourquoi il ne veut pas y aller. Ça. Mais toute la nouvelle, c'est ça. Et à la fin, finalement, on se rend compte que toutes les interprétations sont possibles. Il ne veut pas. Il est invité, ça peut... mais il ne veut pas y aller. Et on ne saura jamais pourquoi, et la nouvelle se termine comme ça. Là, tu laisses un peu ton lecteur... Il y a à côté Bartleby, là. Et I'd rather not to. Oui, oui, c'est il ça. Veut pas. Il n'y va pas. Il préférait ne pas y aller. Ouais, ouais. Et pourtant, il avait été invité. Il était éligible, mais il ne veut pas y aller. Pour Tangram, l'idée, c'est aussi que les démons sont en nous. Et que l'envie de... Alors, pas forcément de meurtre, mais l'envie de violence, la colère, l'envie de casser quelque chose, elle est en nous. Et que bah, parfois, et oui, on a des activités où on va casser au marteau, on va casser des bouts de bois... Et quelque part, c'est l'autre qu'on casse, parce qu'on en a besoin. L'autre, qui peut être effectivement une compagne ou le patron, ou voilà, on va taper dans une boîte de conserve. Mais quand on tape dans une boîte de conserve parce qu'on est en colère, on tape vraiment sur son patron qui nous emmerde. C'est vrai, ça n'est pas une fiction. Et donc, cette personne qui effectivement découpe de la viande, il y a un côté de ce que le lecteur comprend est vrai aussi, même si à la fin tout rentre dans l'ordre et heureusement tous les gens en colère ne vont pas au bout de tout rentre dans l'ordre et dans le frigo aussi, oui. Madeleine, oui voilà, avec de la peine, mais la nouvelle, elle a montré que c'est simplement cristalliser quelque chose qui existe, mais c'est rendre matériel des pensées, des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, parfois simplement des coqs à l'âne dans la tête, hein, et qui se matérialisent d'un coup par la nouvelle. Mais ce que le lecteur comprend n'est pas faux non plus. C'est simplement ce détour par l'horreur. Tout de même, il n'a pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Mais ça me titillait. Voilà. Alors, parmi d'autres nouvelles qui sont sur des thèmes, cette fois plus sérieux, où le lecteur n'est pas promené, on ne joue pas avec le lecteur, il y a le thème du mal-être, de l'impossibilité de dire, de l'empêchement de dire. Mmh. Et là, il y a deux nouvelles que j'ai trouvées assez remarquables. Les ronces, il y en a qui s'appelle les ronces, l'incommunicabilité entre un couple, l'un qui veut dire quelque chose à l'autre et qui n'arrive pas à le dire, et l'autre qui finalement l'a entendu, mais prétend ne pas l'avoir entendu, et puis quand elle lui demande finalement « qu'est-ce que tu as dit ?»« Rien, j'ai rien dit. » D'accord. Mais le mot a été dit quand même, ça a été prononcé en plein milieu de la nouvelle. Et là, le vélo dans la tête aussi, ce garçon qui a un vélo dans la tête. Voilà, bon, la folie. Ça, ce sont dans tes thèmes plus sérieux. Oui, ben oui, parce qu'en fait, peut-être que ça rejoint tout simplement l'activité même de l'écriture, puisque écrire, c'est souvent chercher ses mots. Chercher ces mots pour dire quelque chose qui a du mal à passer. Peut-être à l'oral, mais même à l'écrit. Pourquoi est-ce qu'on se met à écrire? C'est souvent parce qu'on n'arrive pas à communiquer autrement. La fiction, c'est un moyen détourné de s'adresser à l'autre, au lecteur, mais oui, au lecteur, on va dire, ou à soi-même, pour essayer d'exprimer quelque chose qui ne passe pas par des façons plus directes. Et donc, cette forêt de sens que sont les mots, que sont la parole, on est quelquefois effectivement pris comme dans des ronces. On n'a plus aucune visibilité dans les mots. On les écarte et on avance un peu à l'aveugle. Et ça, qui est simplement un vécu assez banal de toute personne qui se met à écrire, ou qui veut parler d'ailleurs, ou qui veut raconter, ça peut s'incarner effectivement dans des histoires. Là encore, on est dans de la cristallisation on a une pensée, on a une idée, tiens, voilà, l'incommunicabilité, bah, tout d'un coup, l'incommunicabilité, elle devient des ronces. Elle devient, vous êtes dans un jardin, et si vous avez 5-6 ans et que vous êtes dans un jardin envahi de ronces, ben vous pouvez ni avancer, ni reculer, ni vous baisser, ni vous lever, ni rien faire. Vous pouvez rien faire. Et c'est un petit peu la situation donc de ce couple où on ne peut plus rien faire. On ne peut pas dire, on ne peut pas ne pas entendre, mais on ne peut pas accepter non plus les mots qui sont dits, on est juste bloqué, quoi. On est au milieu des ronces. Alors effectivement, c'est un thème qui revient, mais... oui, c'est l'écriture. Ouais. Alors, tu aimes bien aussi prendre au pied de la lettre certaines expressions, comme par exemple, on dit là, je me suis senti complètement nu devant lui. Alors, ça t'emmène dans un secteur qui te va plutôt bien, l'érotisme, hein, pas mal du tout. Et puis, l'autre, ce lecteur qui est un gros lecteur, qui est, comme on le dit parfois, je suis noyé. Noyé ou submergé par le livre. Et effectivement, la bibliothèque s'écroule. Voilà. Ça, tu aimes bien prendre au pied de la lettre certaines expressions comme ça. C'est déjà porteur en soi de oui, nouvelles. Mais, oui, parce qu'en fait, on est dans la réalité quotidienne. On emploie des quantités d'expressions imagées qui sont totalement vidées de leur sens. On ne pense plus au sens originel de la chose. Je suis submergé par les livres, je suis noyé sous les informations. Eh bien, peut-être que l'activité, l'utilité de l'écriture ou de l'écrivain, c'est de dire, vous savez ce que ça veut dire être noyé sous les informations? Je vais vous montrer. Et tout simplement de redonner toute la profondeur de sens, de mots, qu'on utilise tous les jours et on n'y pense plus. C'était quoi l'autre d'ailleurs? C'est les livres et puis... Restolecture et puis la Garden Party. Oui, la Garden Party. Oui, alors bon, on va peut-être pas détailler là. Mais, pour ceux que ça intéresse, les nouvelles érotiques, je les ai notées. Mais compilation. Après, c'est... c'est simplement une... faire plus attention à la langue. Se dire... la poésie, mais aussi le fantastique, le burlesque, l'humour, tout est présent à tout instant, on n'invente pas, c'est simplement qu'on ne le voit pas. Et se dire « je suis noyé sous les livres », Bah oui, la réalité, elle est là. Il suffit de l'entendre. Bon, effectivement, c'est quelqu'un qui se retrouve avec une bibliothèque sur le, qui lui tombe dessus et il dit « j'ai trop lu, quoi, j'ai vraiment trop lu dans ma vie. » Mais ce sont des choses qu'on peut dire, mais qu'on n'en mesure pas finalement tout le sens. Mmh. Ah, les espoirs s'envolent, là, le Républicain hebdomadaire de l'Essonne. Bon, les espoirs s'envolent. Voilà. Il suffit de prendre l'expression au mot de la lettre, au pied de la lettre, et puis vous le... Ben voilà. Je suis sûr qu'il y a des questions parmi vous, si vous avez envie de poser à l'un des gens qui écrivent des nouvelles, qui auront envie d'écrire, qui auront envie de participer au concours. Bernadette a le petit prospectus que vous distribuez, concours de nouvelles, il sonne ouvert à tout public, et dans même plusieurs disciplines, parce que je crois qu'il y a photo, il y a... Enfin voilà, tu le distribueras tout à l'heure, hein, le petit recueil. Alors, donc il y a des... Voilà, donc il y a des écrivains potentiels de nouvelles par qui ont sûrement des questions à poser. Voilà. Il suffit qu'il y en ait un qui commence, puis tout le monde a. Marceline, je suis sûr que tu as une question à poser. Non, parce que si tu commences, les autres vont suivre. Hein. Alors, une question. Alors. Ah, ben voilà. Voilà. Voilà, c'est. Cette idée de la clôture, je l'ai trouvée très intéressante, cette idée d'être dans un monde clos, etc. Est-ce que du coup, c'est aussi. De votre part, une façon de, comme vous dites, enfin, est-ce que c'est pas aussi l'idée que vous maîtrisez le temps? Ah oui, bien sûr. C'est pourquoi un monde clos, c'est parce qu'on s'abstrait du temps aussi. On s'abstrait de l'inéluctable. La clôture, c'est aussi le principe de l'expérience in vitro, c'est-à-dire que vous prenez des éléments du monde, des bactéries, des trucs comme ça, vous faites des expériences. Voilà. Vous faites dans un espace clos pour voir jusqu'où ça mène. Est-ce qu'on va trouver un médicament? Est-ce qu'on va faire une nouvelle plante génétiquement modifiée? Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme expérience, la nouvelle, ce monde clos, c'est aussi de créer un monde indépendant qui n'existe pas encore. On est Dieu hein, dans une nouvelle. Forcément, puisqu'on est l'auteur, on peut tout se permettre. Et on s'abstrait effectivement du temps, puisque dans la vraie vie, il y a des choses qui ne peuvent pas, qu'on ne peut pas se permettre, qu'on ne peut pas faire. Dans une nouvelle, dans cet espace clos, qu'on a isolé du monde, on fait des expériences. C'est vraiment, la nouvelle, c'est un lieu d'expérience. On peut pousser un personnage, on peut voir jusqu'où il va. Et puis il va. La suite de la question, oui. Débordé, c'est-à-dire que vous partez dans l'idée que vous allez maîtriser, en fait, parce que c'est quand même cette idée de maîtrise, et du temps, et de reculer la mort, et de clôture. Et est-ce que ça vous est arrivé de pas pouvoir, en fait, le maîtriser? Et du coup, Alors oui, ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive absolument tout le temps, de deux manières. L'une positive, l'autre négative. La manière négative, c'est que je ne trouve pas. Donc je fais mon expérience, et elle échoue lamentablement. C'est-à-dire que ça donne des monstres, des textes monstrueux, qui sont curieux, qui ont cinq pattes, trois, quatre yeux, et ainsi de suite. Ça ressemble à rien, et c'est un échec. C'est un échec, ça ne mène nulle part. Et puis, la manière positive, c'est que ça donne un résultat totalement inattendu. C'est la sérendipité, on trouve quelque chose qu'on ne cherchait pas. Quand je commence un texte, souvent j'en suis à mon souvenir, à mon expérience, on ne va pas dire souvenir d'enfance, hein, une expérience vécue, dont je pars, je ne sais pas exactement où je vais aller. J'ai une vague idée, je ne sais pas. Et l'évidence, la révélation, le bon sens, mais c'est bien sûr, il me dépasse, il me déborde et il me surprend souvent moi-même. Alors quand je suis surpris moi-même, je suis assez content, parce que si moi-même je ne m'étais pas attendu à la fin. Bon, après, il y a tout un travail de réécriture. C'est-à-dire que quand, une fois qu'on a. Souvent, j'écris 60-70% de ma nouvelle, puis je laisse les 30% restants en plan. Ou alors juste pour mémoire. Voilà. Et puis quand la fin s'impose. Ben, je réécris le début en fonction. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une construction de réécriture pour que ça colle, surtout s'il y a une chute. Donc il faut que, plus ou moins habilement, après c'est du jeu d'écriture, mais c'est aussi parce que tout simplement je n'avais pas prévu ce résultat-là. On sait vaguement, tiens, on va écrire sur « Je suis arrivé au milieu de nulle part »,« Mon Dieu, ma vie est un désert », etc. Et puis peut-être que pas du tout, le jour où je trouverai le sens de cette expérience, ça n'ira pas dans ce sens-là. Et donc, je réécrirai sans doute mon début, de même que mon histoire de volet, quand je saurai ce qu'il y a derrière le volet, je sèmerai des indices. Alors ces monstres dont tu parles, tu gardes ça ou c'est poubelle ? Alors, à l'époque où j'écrivais à la main ou à la machine à écrire, je gardais et je garde encore. Maintenant, avec l'informatique, il y a de la poubelle. Hein, Parce que ce qui n'a pas abouti un jour peut aboutir au lendemain. Oui, tout à fait. Alors il y a des nouvelles, enfin il y a des textes comme ça que je traîne ou que je garde au chaud, au tiède, au frigo. Le temps que tu répares ton volet. Voilà, le temps de réparer mon volet, ça peut durer un certain temps. Et parfois il y a des choses qui me viennent, mais des années après. Donc, des années après, c'est vrai qu'il y a aussi un moment où je ne me souvenais pas du tout d'avoir écrit ça. Hein. Il m'est arrivé de trouver des trucs dans mes tiroirs, c'est moi qui ai écrit ça, j'ai aucun souvenir d'avoir écrit ça. L'éblouissement, je suppose. Ouais, c'est ça. Et même un jour, un texte publié dans une revue, qui me publie alors trois ans après que je l'avais écrit, comme c'était un texte, non pas de commande, mais enfin c'était un appel à texte sur une thématique, je l'avais écrit en direct. Pour une fois, j'avais écrit assez rapidement. Puis je l'avais envoyé à la revue, puis pas de nouvelles. Au bout de 3 ans, le texte paru. Je n'ai aucun souvenir d'avoir écrit ça. Vraiment aucun souvenir. C'est arrivé à Alexandre Dumas, mais c'était un nègre qui écrit pour lui. Peut-être. Parce que j'avais fait ça aussi. Tiens, oui. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles, Bertrand? Parce que c'est toi qui seras la prochaine fois ici. C'est toi, tu as une conception très différente de la nouvelle. Oui, c'était passionné parce que j'ai une conception effectivement très différente. Enfin, pas surtout, bien entendu, on se retrouve sur plein de choses, mais c'est vrai que j'ai une conception très différente, notamment sur le départ, enfin, pas sur le départ, que j'ai écrit beaucoup de choses en accent, en me basant sur une expérience personnelle, sur quelque chose, ou en fait, plutôt, je dirais que pour me lancer dans l'écriture, parce que j'ai aussi ce point commun avec vous, c'est d'avoir une nécessité, il faut que j'ai vraiment quelque chose à dire. Sinon, je fais d'autres choses, je fais de la photo, je fais différentes choses. Voilà. Pour me lancer dans l'écriture, il faut que j'éprouve la nécessité, que je me dise qu'effectivement, mon expérience personnelle, ou ce que j'ai connu, comme vous le disiez, va rencontrer l'universel. Donc là, je me lance dedans. Mais en revanche, la vraie grosse différence, c'est que je sais toujours ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai toujours l'idée à la base, et que j'écris très rarement des nouvelles chutes. Ça m'arrête une fois de temps en temps. Et même quand j'en écris, en règle générale, c'est pas la chute qui a de l'importance. Je donnerai pour exemple, il y a une nouvelle où il y a qui pour moi dans la vraie vie s'est inscrit comment j'étais dans un magasin, il y avait un étage, je descendais l'escalier, devant moi il y avait un couple de dos, ils avaient acheté un hamac et il y en a un, la femme qui dit à l'homme, mais qu'est-ce que tu veux qu'il foute du hamac? Et puis c'est resté comme ça pendant des années. Voilà. J'avais ce truc-là et dans la vraie vie, j'avais une amie qui n'allait pas très bien et je me disais, tiens, ce serait marrant de lui amener un hamac, elle pourrait rien en faire. Je ne vais pas amener d'hamac. Mais j'ai écrit une nouvelle comme ça où pendant toute l'histoire, on ne sait pas ce que le gars amène dans une fête. Et en fait, voilà, il y a des tas de pistes qui sont données. Et donc à la fin, on finit par comprendre que c'est le hamac. Mais en vérité, et ce que je fais dire à la fille, parce que je fais dire au personnage, c'est à l'homme et à la femme, c'est qu'en fait, le cadeau, elle sait très bien qu'elle n'en fera rien et que lui le sait. Et elle s'en fout. Ce qu'elle comprend, c'est qu'en fait, ce qui lui amène, c'est l'idée du cadeau, c'est l'idée d'un bonheur possible et que ça va aller mieux. Voilà. Les autres, ils ne comprennent pas. Ils disent, ça y est, il veut encore faire le malin, se faire remarquer avec son hamac, c'est n'importe quoi, etc. Mais voilà, donc en fait, il y a une chute parce qu'à la fin, le lecteur lui-même se demande, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Qu'est-ce que c'est? Ça dépasse dans le coffre du taxi, enfin bon, bref. Obligé d'ouvrir la fenêtre, du moins, voilà, où je sais plus ce que j'ai mis. Donc il y a des pistes comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est, mais quand on sait finalement ce qu'est le cadeau, la chute n'a pas d'importance. Le vrai sens, c'est l'idée d'un bonheur possible. C'était ça l'histoire. Voilà. Donc dès le départ, je savais ça. Voilà. J'ai toujours, pour diverses raisons, voilà, moi, j'ai. Alors il m'est arrivé des fois, effectivement, qu'en cours de route, quelque chose surgisse d'imprévu, d'inattendu, et qui me fasse changer les choses. Mais ça a été très rare. Non, mon souci, moi, c'est plutôt, j'ai une idée, et c'est d'aller de ce point-là à ce point-là, voilà. Je me suis perdu, voilà. D'aller d'un point à un autre, c'est là qu'il se perd. C'était pourtant pas bien difficile. Et c'est très rare que ça soit bouclé. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en scène des moments intenses, d'émotions, forts, heureux, malheureux, souvent mélangés. Et donc, en réalité, quand je lâche les personnages, quand j'écris une histoire, mes personnages, j'essaie de leur donner en peu d'espace, autant de chair littéraire que possible, de sorte qu'on puisse imaginer un avant de l'histoire et qu'on puisse en imaginer un après de l'histoire. Mmh. Donc en fait, ça pourrait faire partie d'un roman. Il m'est arrivé, parfois, que ça fasse partie finalement suite d'un roman, où ensuite j'écris chaque chapitre comme une nouvelle, si ce n'est qu'on ne peut pas les prendre dans une chronologie différente. Mais par exemple, j'ai vu que madame, juste devant moi, avait un roman, N'oublie pas de mourir, voilà. Que j'ai commis, et donc... Là, vous étiez de complicité, tous les deux. Non, mais non, ce non numéro. Ça, je le dis maintenant, parce que maintenant, madame le sait. J'étais derrière elle, à surveiller. J'essayais d'écouter ce qu'elle disait à sa voisine, bon, enfin, bref. Mais, j'ai pas entendu, je ne sais pas. Mais, il y a 26 chapitres de mémoire, et il y en a 23 qui pourraient être lus complètement isolément. Et 3 qui ont vraiment besoin du reste pour prendre sens. Mais, voilà. Mais là, on a vraiment nécessité, c'est une histoire, c'est un roman, une chronologie, une histoire familiale, une chronologie, il y a vraiment, voilà, une chronique familiale, il faut vraiment les lire dans la continuité. Mais ces versions qui se complètent, qui s'entremêlent, n'ont rien d'opposé. Ne nous dis pas tout maintenant. Quand on va t'inviter au mois d'octobre, tu vas dire, comme je vous ai dit au mois janvier, on aura tous oublié. Donc, garde un peu de munitions quand même. Il y a quelque chose qui m'intéresse bien. Enfin, il y a tout qui m'intéresse bien dans ce que je viens d'entendre, mais qui fait écho où je trouve qu'on n'est pas du tout opposé, opposé ou une conception différente de l'écriture, c'est par rapport à la chute. Il est vrai que j'écris des histoires à chute, souvent, pas toujours en plus, souvent, mais on est bien d'accord que la chute, c'est quelque chose qu'on attend pendant toute la nouvelle, qui tombe à la fin, ça paraît logique, mais qui en fait n'a pas d'importance. Parce que qu'est-ce qu'on garde d'une nouvelle ? C'est bien tout ce qui est avant, c'est le texte, c'est l'écriture. La chute, elle tient en une ligne. C'est ce qui fait la boucle de la pirouette, enfin voilà. C'est ce qui fait que, bon voilà, on ferme le coffre, l'histoire était jolie. La chute, c'est la mort. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est toute la vie qu'on a menée avant. Et même si la chute, c'est la mort de la nouvelle, et c'est la mort du personnage, c'est la mort du héros, etc., qu'est-ce qui est intéressant, c'est de relire toute la nouvelle qui y a mené. L'intéressant, ça n'est pas la chute. Il faut qu'elle soit, si possible, qu'elle soit surprenante, etc., etc., pour des raisons de tension narrative, dans ma conception de l'écriture. Mais on est bien d'accord que c'est tout ce qui est avant qui compte. C'est de revivre tous les éléments avant et de se dire « Ah oui, si, bah oui, c'était évident, ah bah oui, oui, oui, etc. » Mais c'est ce qu'on... Et effectivement, il m'est arrivé d'écrire des histoires où la chute, c'est « Il ouvrit la porte et vit enfin. » Vit de voir. On ne sait pas ce qu'il a vu. Peu importe, d'ailleurs. Peu importe. C'est dans la vaisselle. Un type qui fait une vaisselle qu'il n'a pas faite pendant trois mois. Ça, c'est de la fiction. Ça, c'est de la fiction. Et encore une histoire de rupture. Bon, il n'a pas fait la vaisselle depuis que sa femme l'a quitté. Donc, il faut bien qu'il fasse la vaisselle un jour. Parce qu'il n'y a plus rien. Puis ça commence à sentir mauvais, en plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la vaisselle. Et en faisant la vaisselle, qu'est-ce qu'il fait ? Il remonte le cours de ces trois mois. Et tout au bas de la vaisselle... il y a la vaisselle du jour de la rupture. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est pourquoi sa compagne l'a quitté. Pourquoi elle est partie ? Pourquoi il n'y a pas. Elle ne lui a pas dit. Il n'y a rien. Il n'a jamais su. Donc il finit par faire. Alors, au bout de 3 mois, ça commence à. C'est pas encore une histoire digérée, quoi. Il n'a pas fini de la digérer, si on peut dire. Bon, et il fait la vaisselle. Et évidemment. Est-ce que je dis la chute? Oui, à force, on peut la dire. Ils ne vont pas te lire. Ah, ouais. Ah ben non, encore. Ça y est, maintenant, il demande. Tu vois, il demande. Voilà. Et donc, au bout de la vaisselle, tout en bas, quand il est arrivé au jour de la rupture, il se rend compte que, bah si, elle lui avait dit. Il n'avait pas vu. Mais là, ce qu'elle lui avait dit, je vous le dirai pas. Voilà. Mais bon, c'est ça. On est bien dans cette histoire de chute qui ferme l'histoire, qui clôt la chose. Mais ce qui est important, c'est l'histoire de cette, à la fois au présent, de cette vaisselle qui est faite, bon, avec un certain nombre de précisions, pas forcément ragoûtantes, mais ça, voilà. Si vous avez fait la vaisselle dans la vie, ou si vous avez fait les vaisselles en retard plutôt dans la vie, vous savez ce que c'est. Et puis, l'histoire de ce type, de l'histoire, enfin et de sa compagne. Ça n'est pas la chute qui importe, c'est tout le reste. Même si c'est la chute qui donne l'importance à tout le reste. Une dernière question avant d'entendre Alain nous lire une deuxième nouvelle. Tu as le temps, Bernadette, hein, pour. Oui, non, en plus, elle est longue, celle que je vais lire. Alors. Une dernière question, non, sur le genre de la nouvelle, sur la nouvelle elle-même, non? Alors, les jeunes qui vont écrire des nouvelles, voilà, écoutez bien tout ça. Oui, madame. Oui, moi, j'ai une question concernant l'écriture. Quelles sont, selon vous, vraiment les spécificités de l'écriture d'une nouvelle, compte tenu de sa brièveté, de cet univers clos dont ça m'est parlé? Est-ce que ça impose vraiment des contraintes d'écriture? Alors, on n'a que les contraintes qu'on se donne. Oui. Moi, effectivement, je me donne comme contrainte la concision et la précision, parce que je veux bien. Je pourrais aussi être je m'échappe quand on fait des parenthèses, des digressions. Je pourrais être dans la digression. Je me l'interdis ou j'évite. Et en ce sens, je crois que là, la nouvelle est très liée à la poésie. C'est que dans le roman, ce qui compte, c'est le mouvement, le rythme et la direction vers où on va. Dans la nouvelle comme dans la poésie, on entend chaque note. Et chaque note a son sens propre et puis son sens par rapport à celles qui sont autour. Alors que dans un roman, c'est un petit peu plus noyé, tout simplement dans la masse. Hein. Et ce qui compte, c'est le flux. Dans une nouvelle, effectivement, moi, j'essaye d'être attentif à ne garder que ce qui est absolument nécessaire. Donc quand j'écris, j'ai 15 pages. Et quand je considère la nouvelle aboutie, elle en fait 6. Parce que ça, finalement, ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est pas utile. Ce qui est parfois un petit peu frustrant, parce que tout ce qu'on considère comme étant inutile pour la nouvelle qu'on est en train d'écrire, que je suis en train d'écrire, c'est aussi ce que Bertrand disait, donner de la chair au personnage. Ces petites choses inutiles, mais qui font qu'on croit et qu'on voit le personnage. Alors, en ce sens-là, la nouvelle, pour moi, est assez différente du roman, puisque le roman, il s'agit effectivement de donner à un personnage consistant, il lui donne un avant, un après. La nouvelle, elle est souvent assez austère dans cet aspect-là, c'est qu'on ne sait rien. Souvent, il y a toute une école, une tradition de nouvelles qui sont au jeu. Un jeu narratif. Bah, ce jeu, on n'en sait rien. On ne le connaît pas. On ne sait pas son nom, on ne sait pas son âge, on ne sait pas son prénom, on ne sait rien de lui. Et on s'en fiche. Enfin, mon idée, c'est que ça n'est pas important. Par contre, si je voulais en faire un personnage romanesque, il faudrait lui donner du consistant. lui donner un oncle, une tante, des petits cousins, des ennuis de bagnole, un boulot, etc. Dans la nouvelle, je le fais pas. Mais pour un roman, il faudrait peut-être. Donc oui, comme dans la poésie, dans la nouvelle, j'essaie d'être le plus concis possible. Et ça, c'est un travail et un retravail. On n'est pas concis spontanément. Enfin, moi, non, en tout cas. Vous l'avez peut-être remarqué. Hein. C'est-à-dire que j'écris... j'écris 15 pages, et puis ensuite, je relis mes mots à mots, remplacer un mot par un autre, gommer des adverbes, des adjectifs, ce genre de choses qui font joli et qui nous illusionnent souvent nous-mêmes, parce qu'on est content d'avoir fait une belle phrase, une belle musique. Mais, à mon sens en tout cas, le rôle d'une nouvelle n'est pas de faire une belle phrase, une belle musique, c'est ce qui est très respectable en plus. Hein. Moi, je lis aussi de la grande langue, des choses comme ça, mais je préfère quelque chose de sec dans l'écriture. Bon, après, ça ne vaut que pour moi. Toutes les approches, toutes les conceptions de la nouvelle peuvent être justifiées. Il suffit que, après tout, le seul juge, c'est le lecteur, c'est la qualité. Bon, si c'est bien fichu, on s'en rend. Hein. En réponse à votre question, moi, j'ajouterais écrivez peut-être. Intransitivement, c'est-à-dire n'écrivez pas un roman ou une nouvelle ou un poème, écrivez. Oui, d'accord. Et puis après, on voit ce que c'est. On est dans une époque aujourd'hui où les genres sont très, très flous, on va dire. Prenez les petits textes de Philippe Delerme. C'est pas de la nouvelle. C'est quoi ? On appelle ça des petites proses parce qu'on ne sait pas comment les appeler. Alors, des petites proses, des petits récits, on appelle ça comme on veut. Écrivez. D'accord ? Et puis après, on voit ce qu'on en fait. La première chose, c'est déjà de sortir quelque chose, d'avoir un matériau brut sur lequel on va essayer après de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose. Le pire ennemi de celui qui commence à écrire, c'est la complaisance. Mais ça, on apprend aussi à être de moins en moins complaisant avec soi, jusqu'à être parfois franchement désagréable avec soi. Et là, on ne se supporte plus. Mais écrivez, je crois, c'est déjà la première chose. Donc parler de contraintes dans l'écriture, c'est peut-être déjà allé un peu trop vite. C'était pas par rapport à quelqu'un qui aurait envie d'écrire sans être écrit, mais c'était vraiment une question qui s'adressait à monsieur. Ah, Alain, oui, d'accord. Voilà, ouais. L'auteur, il y a sa pratique. Oui, il y a sa pratique à lui. Oui. Dans le genre de la nouvelle. D'accord, voilà. D'accord. Mais là où je rejoins Jacques-François aussi, c'est que quand on se donne du matériau de base, on amène des palettes d'aglo, là. On ne sait pas encore ce que ça va devenir, et peu importe. Pour pouvoir construire, pour pouvoir éliminer, pour pouvoir raboter, pour pouvoir faire quelque chose, il faut du matériau. Et effectivement, écrire au départ. Et on verra bien si ça devient un roman, si je vais en faire une pièce de théâtre, si je vais en faire un... ou quoi. Mais ne pas partir forcément sur « je vais écrire une nouvelle ». L'écriture d'une nouvelle, c'est dans un deuxième temps. C'est avec ce matériau-là, je vais retravailler, façonner, ciseler... pour en faire une nouvelle. Mais une fois que le matériau est là, effectivement. C'est bien, tu as tout un vocabulaire de bricoleur. Oui, on va pouvoir attaquer ton volet. C'est de la fiction, ça. Là, il rentre, il fait son volet. Le matériau, la palette, les aglots et tout. Mais c'est de la fiction. Ciselé et tout, très bien. On termine par un deuxième texte, une deuxième lecture. Eh bien, si vous voulez. Alors... théoriquement, ce n'est pas une nouvelle que je vais vous lire, puisque ça... Alors là, voilà, on est dans un cas de figure un petit peu particulier, puisqu'on m'a commandé un texte pour une anthologie qui s'appelle toujours « Le livre d'où je viens ». Donc la demande, c'était « Quel livre dans votre parcours, quel est le livre qui vous a donné envie de lire et d'écrire ?» Quel est le livre qui est à l'origine de toute l'histoire, en fait ? Bon, alors on est une petite vingtaine à avoir répondu à cette question et à dire, bon, moi, mon livre, le livre d'où je viens, c'est Bidule et machin. Et quand on lit le livre, tout le monde a écrit son article. Ce n'est pas une nouvelle. Sauf que, depuis que le bouquin est paru, tout le monde me dit, mais tu as écrit une nouvelle. Et c'était pas du tout mon objectif, c'était pas la compte, c'était pas la demande en plus. Donc j'en sais rien finalement. Parfois il y a des nouvelles qui nous échappent, il y a des textes qui nous échappent, qui sont autre chose que ce qu'on croyait. Donc c'est peut-être pas une nouvelle que je vais lire. Bravo, ouais. Alors, on t'a invité pour ça. Bah ouais. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas de titre. Ah, en plus, elle a une chute. Donc la contrainte, de quel livre vous venez-vous hein? J'ai longtemps cru que le livre d'où je viens n'existait pas. Cela ne m'empêchait pas de savoir avec certitude que c'était bien de celui-là que je venais, celui-là qui avait déterminé tant mes lectures que mes premiers essais d'écriture. Le paradis n'est-il pas perdu, dont nous avons si insistante nostalgie? S'agissant de livres, ma petite enfance a été bercée de leur absence. Il n'y en avait guère à la maison. Côté mère, un livre de cuisine à la couverture toilée, beige clair, taché de traces d'usage gourmand. Écrit en allemand, sa typographie gothique bridait quelque peu mes rêves de gâteau. Heureusement, des dessins aux traits, rares mais évocateurs, nourrissaient mon imaginaire, autant que les marbrés dont la présence du livre sur la table signalait l'imminence, le faisaient de mes papilles. Côté père, une demi-douzaine de volumes reliés de faux cuir, en allemand toujours, d'obscurs auteurs de romans policiers américains, Louis Trenker, Frank Slaughter, qui n'avaient pour seule fonction que d'être beau au salon. Je les supposais lus de longue date. Mais aussi quatre ou cinq petits classiques Larousse, habillés de leur couverture violette, Les Plaideurs, Le Malade Imaginaire, Le Cid, qui témoignait de l'époque ancienne pour moi où mon père apprenait le français. Cela non plus n'était jamais ouvert, affaire conclue. Mon père maîtrisait la langue, les livres n'avaient plus de raison d'être. Plus tard viendraient les sélections du Reader's Digest et plus tard encore les poches du plaisir ordinaire. Mais en ce temps-là, non, il n'y avait pas de livres à la maison. Nulle défiance a priori cependant. Pas de mise en garde destinée à m'orienter vers telle ou telle activité plus utile. Je ne crois pas avoir jamais entendu ces dénigrements de la lecture qui font un peu cliché des milieux acculturés. Non, je ne m'abîmerai pas les yeux. Non, ne resterai pas blanc comme un linge. Ne me farcirai pas la tête de savoir inutile. Ni ne manquerai d'amis. Mon tout premier vrai livre, Les Jolivets au fil de l'eau, dans la bibliothèque rose, me fut offert par une tante à l'occasion d'un anniversaire, et ma mère s'inquiéta simplement de ce qu'il était peut-être un peu tôt. Au vrai, je reçus le présent avec une fierté écrasante, ne sachant pas si je viendrais jamais à bout d'un tel pavé. Que le titre m'en soit resté, et la vision nette de l'illustration de couverture témoignent assez de l'événement que ce cadeau constituait pour moi. Peu de temps après, ma boulimie naissante de club des cinq, de comtesse de Ségur et autres clans des sept avait donc bien des étendues vierges à paysager d'aventures. Bientôt viendraient Dumas, Jules Verne, Edgar Poe et tant d'autres, et des rayonnages à investir. Elle avait aussi de quoi réjouir mes parents, je fus un enfant sage, bon élève au demeurant, plutôt facile à élever et en tout cas à contenter. Le livre d'où je viens n'est cependant aucun de ceux-là, que je dévorais sans réellement m'y attacher, pris dans la fuite en avant du collectionneur. Je dévorais, mais ne mâchais pas, ne ruminais pas. Bien entendu, je me faisais un grand frère de François, une cousine imprévisible de Claude, dont j'avais conscience qu'un jour je tomberais amoureux. Annie était une petite sœur un peu envahissante. Dagobert, un compagnon d'aventure aussi précieux qu'affectueux. Moi, j'étais Mick, bien entouré. Mais justement, j'étais trop baigné de cet univers pour qu'aujourd'hui je puisse éprouver le sentiment d'en venir. J'y vivais, j'y étais en sécurité, et n'en serais peut-être bien jamais sorti, ne serais pas avec eux allé vers autre chose. Je ne sais pas exactement à quel moment est entré dans ma vie le livre d'où je viens. La raison m'incline à penser à un âge à deux chiffres. Ma mère, que je n'avais jamais vu lire que des romans photos, me dit un jour, à l'heure du goûter, expédié avec cette hâte inattentive qui trahissait un tout autre appétit, qu'enfant, elle aussi avait aimé lire. En particulier, précisa-t-elle, elle avait beaucoup aimé les poésies de Nietzsche. J'ai dit qu'il n'y en avait aucune trace à la maison. Mais cette confidence, faite sans emphase, en passant, sans doute pour me retenir quelques instants encore auprès d'elle, à table, allait déterminer ma vie. Tout d'abord, je ne fis rien de cette information. Il me plaisait simplement à n'être pas le seul à aimer ça. Mon père était homme de chiffres et bien que son expérience de lecteur s'étala, quoique discrètement, dans un compartiment ad hoc du meuble radio tourne-disque, je n'en attendais rien sur ce plan-là. Mon frère aîné débordait d'activités physiques, chaussures à crampons et chaussettes rayées. Ma sœur était « dans le vent », comme le proclamait une chanson de cette époque, et me faisait apprendre par cœur les paroles des si à la mode. Ma mère devint une complice inattendue, quoique par procuration du souvenir. Qu'elle ait évoqué des poèmes rendait peut-être plus troublant encore l'aveu et plus fervent notre secret. Par expérience scolaire, je savais confusément que la poésie engageait son lecteur plus avant dans le livre, qu'à se frotter aux mots du poème, on grattait l'âme, bien plus que ne le faisaient des milliers de lieues sous les mers. Sans l'avoir entrepris, je savais que c'était un tout autre voyage qui m'attendait. Plus tard, je me mis en tête de lire ces fameux poèmes. Et c'est là où les choses se compliquèrent. Eût-elle parlé d'Anatole France, du Grand Maulne, ou, pour rester dans le domaine de la poésie, de Lamartine, par exemple, j'aurais sans doute lu le livre en question. Je l'aurais aimé, ou pas, selon mes compétences et mon humeur du moment. Puis, je serais passé à autre chose. Mais Nietzsche, dont je ne savais rien, n'était pas présent dans les bibliothèques que je fréquentais. Et ses poèmes, encore moins, puisque même les meilleures librairies dont j'examinais bientôt les rayonnages ne les proposaient pas. Sans doute ne cherchais-je pas dans le bon rayon, mais je crus deviner aussi qu'un malentendu était attaché à cet auteur ou à ses livres, une sorte d'anathème qui aiguisait bien sûr mon désir. C'est donc en quelque sorte par défaut que je lus tout le reste, tantôt m'approchant par la forme, par l'époque, par la langue d'origine, tantôt m'en éloignant. Toute ma bibliothèque personnelle, en devenir, tournait autour de ce soleil absent, d'autant plus brillant que je ne le voyais pas, mais qui existait nécessairement, puisque ma mère l'avait lu et aimé. Parler d'obsession serait exagéré, je n'étais pas pleinement conscient de ma quête, mais je cherchais à éprouver cette émotion-là. Aimer un livre, l'aimer assez pour m'en souvenir des dizaines d'années plus tard, quand bien même les détails s'en seraient perdus, pouvoir dire à quelqu'un « j'ai aimé ». Je crus finalement le trouver, j'étais adolescent, avec « Ainsi parlait Zarathoustra », qui était tout à la fois ce qu'il y avait de plus facilement accessible de l'auteur et qui ressemblait, au moins pour partie, à l'idée que je me faisais de la poésie. L'édition de poche que je m'étais procurée arborait une couverture surprenante. Sur un fond orange, elle reproduisait en miniature une autre couverture que j'imagine être celle de l'édition de l'œuvre originale, avec ses caractères gothiques difficilement déchiffrables, eux-mêmes enclos dans une sorte de labyrinthe d'arabesque. Cette couverture dans la couverture, ce titre et ce nom d'auteur qui se dérobait, se refusait, quoique objectivement répété sur la page, ne laissait pas de m'intriguer. Ma perplexité trouvait aussi à s'alimenter de deux nombres, de quatre chiffres chacun, placés en surtitre de la miniature, reliés par un tiret quadratin, comme deux dates pour une épitaphe, à ceci près que ces nombres ne pouvaient pas être des dates. 7111, 7113. Que signifiait-il ? Je restais longtemps à contempler cette couverture sans parvenir à ouvrir le livre, comme on hésite au seuil d'un grimoire magique aux effets incertains. Si l'on songe que le titre lui-même semblait évoquer une parole rapportée, qu'en définitive ce n'était pas le livre de Nietzsche, mais celui d'un certain Zarathoustra, qu'il aurait fallu aller lire, on verra au bord de quel abîme je me trouvais. Bien sûr, je lus le livre. Bien entendu, je n'y compris pas grand-chose. Néanmoins, il me fit forte impression. Sa nature, il s'agit d'une succession de discours, alors du criminel blême, de l'arbre sur la montagne, de la morsure de la vipère, induit une compréhension parcellaire, fragmentée, multipliant les échos à travers tout l'ouvrage. Et je passais d'une parabole à la suivante avec cette fascination que commençait à me procurer la poésie que je découvrais alors. Je ne comprenais pas, mais je le savais, ou plutôt je le sentais. il y avait un texte derrière le texte, un sens caché, autre chose qui exigeait une toute autre disposition de lecture. Pour la première fois, peut-être, j'étais confronté à une langue qui ne se donnait pas. Elle n'était qu'une enveloppe qu'il me faudrait habiter pour l'animer. Le sens, s'il y en avait un, dépendait du lecteur, moins de son intelligence que de son émotion, de son être entier, corps autant qu'esprit, histoire personnelle, souvenirs, rêves, souffrances, plus que de ses capacités de raisonnement. Je n'avais encore lu aucun texte philosophique, ayant tout juste ricoché presque par hasard sur les premières pages de Lettres et le néant de Jean-Paul Sartre. Mais Zarathoustra n'était en rien apparenté à cette complexité lexicale et conceptuelle. On y passait sans transition du sublime au trivial, de la fièvre grandiloquente, d'une tirade au murmure mystérieux d'une confidence. Et toujours ce jeu qui s'exprimait, et prétendait ne pas être l'auteur, mais un autre, derrière. Quelquefois j'étais emporté, quelquefois offensé, mais le livre lui-même m'y invitait. En vérité, je vous le conseille, quittez-moi et révoltez-vous contre Zarathoustra. Et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. Honte. Au collège que je fréquentais, j'apprenais l'histoire. Sa grande machinerie de causes et de conséquences se mettait peu à peu en place dans ma tête. La Seconde Guerre mondiale me touchait à plus d'un titre. Mon père était allemand et pour ma mère Lorraine, disons que ça dépendait du moment. Bien sûr, l'un comme l'autre, de part et d'autre, n'avait été que d'obscurs pions ballottés sur l'échiquier de l'abomination. Tout de même, savoir que Nietzsche avait été le philosophe revendiqué du nazisme me troublait. La honte pouvait y prendre un sens très particulier. Était-ce là tout le secret dont se nimbait Zarathoustra? Là mon trésor empoisonné? Certains mots pouvaient le laisser à croire. Des hommes sublimes, de la vertu qui amoindrit, de la racaille. Mais beaucoup de choses ne collaient pas. Et en premier lieu, le livre lui-même que j'avais lu. Certains termes en étaient certes exaltés, mais l'ensemble n'avait rien d'un manuel guerrier. Son charme étrange, sa poésie, même si je ne la comprenais pas, ne se laissait pas porter vers des rivages monstrueux, ou alors à leur corps défendant. Je ne comprenais pas, mais je savais que le livre ne disait pas cela qu'on avait voulu lui faire dire, que les mots étaient moins univoques que les théories qu'on en avait tirées. C'était une expérience très particulière, troublante pour le lecteur que je devenais. Jules Verne, Alexandre Dumas, disait ce qu'il voulait dire. En tout cas, le sens caché m'en échappait complètement. Je le découvrirai bien des années plus tard. Pas Nietzsche. Philosophe revendiqué du nazisme, c'est-à-dire par les nazis, pas par Nietzsche. Et donc, pas par ma mère. C'était le deuxième hiatus. Ma mère, dans sa cuisine, n'avait pas le physique de l'emploi. Il n'était pas impossible qu'elle l'ait lu autrefois, c'était peu plausible, mais pas impossible. En revanche, elle pouvait avoir été abusée comme tant d'autres de sa génération, pourquoi pas? Je l'ai d'ailleurs longtemps cru, l'imaginant annonner docilement à l'école, devenue allemande en 1940, des lignes qu'elle ne comprenait pas plus que moi aujourd'hui, à seule fin de plaire au nouveau maître d'école en quête d'une bonne note. Mais En aurait-elle gardé si vif souvenir? Et surtout, en aurait-elle parlé à son fils près de 30 ans après, comme d'un livre qu'elle avait aimé et comme d'un livre de poésie? C'était la troisième contradiction. Toute poétique qu'elle fût, la prose de Zarathoustra n'était pas de la poésie au sens où une petite fille d'une douzaine d'années pouvait l'entendre. Le mot « poème » ne figurait d'ailleurs pas au début du livre, mais celui plus énigmatique de « discours ». La quête du livre de ma mère prenait des airs d'intrigue policière. J'avais peut-être fait fausse route. Fallait-il tout reprendre à zéro? Chercher d'autres livres de Friedrich Nietzsche? Je m'y employais durant les années qui suivirent. non pas délibérément pour cette raison, mais enfin, un mince espoir ne me quittait pas de trouver au détour d'une page de l'Antéchrist, de par-delà le bien et le mal, de la généalogie de la morale, un passage, même atypique, même bref, qui put répondre au cahier des charges de « poème que ma mère avait aimé au sortir de l'enfance ». Je ne découvris rien, et peu à peu me résolus à l'amère alternative. Ce n'était pas le poème qui restait introuvable, mais Nietzsche. Ma mère avait confondu l'auteur véritable d'un poème qu'elle avait lu et aimé avec ce nom, probablement entendu à la radio ou à l'école. Les années passant avaient fait le reste. Des souvenirs intimes se cristallisent parfois ainsi en nous qu'un examen impartial révèle rigoureusement impossible. Faux. Il en résultait que je poursuivais une chimère. Le livre d'où je viens n'existait pas. Ou plutôt, il n'était qu'un livre indéterminé parmi les milliers d'ouvrages de la littérature mondiale. Et même en se limitant à la seule poésie allemande, la botte de foin était trop épaisse pour que j'y retrouve mon aiguille. Je lus encore, bien sûr, mais en perdant de vue le livre d'où je viens. Il était sans doute heureux qu'il en fût ainsi, puis ma mère décéda, emportant son secret à jamais. Je parlais une première fois d'Ainsi parlait Zarathoustra à Lourdes en 2009 ou 2010, à l'invitation de l'atelier imaginaire, sachant qu'au fond, il ne s'agissait pas réellement de ce livre-là, que le véritable livre que ma mère avait aimé restait caché, mais viscéralement attaché à celui-là qui en était la plus approchante hypothèse. À la fin 2011, Guy Rouquet proposa de réunir ses aventures de lecteur en un recueil collectif et je commençais à songer au présent texte. Le livre d'où je viens, le livre qui n'existe pas. Et puis, en février 2012, une information parut sur le site Poésie Bao, Bible de l'actualité poétique. Les éditions Sillage viennent de publier pour la première fois en traduction française, par Guillaume Métayer, les poésies de Nietzsche. Je ne les ai pas lues encore. En ai eu un bref aperçu toutefois sur le site en question. Je les lirai. Un jour. Au fond, il m'importe peu que ces épigrammes soient ou pas les poèmes que ma mère se souvenait avoir aimés à l'école, il y a plus de 70 ans. De toute façon, je n'en aurai jamais la preuve formelle. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel n'est pas le livre d'où l'on vient, mais celui vers lequel on se dirige. Ainsi parlait Zarathoustra, le long chant de Nietzsche, mi-poème, mi-évangile, m'aura appris que derrière chaque mot, il y a un autre mot, que l'âme, plutôt que l'œil, peut découvrir, que tous les livres excèdent à la fois leurs auteurs et leurs lecteurs, inépuisables, irréductibles, à jamais et par nature interminés, que les livres sont en permanence à réécrire, à réinterpréter, qu'ils sont des maisons où l'on s'arrête le temps de la lecture, où l'on s'installe en éparpillant le contenu de son sac à dos, que l'on habite et meuble un temps, chaque lecteur autrement, chacun unique, mais sans que personne ne puisse se les approprier, les confisquer. Les livres sont des maisons qui n'appartiennent à personne, fût-ce à l'architecte qui les imagina ou à l'artisan qui les construisit, car si elles leur appartenaient, si elles les comblaient, quel besoin aurait-il d'en concevoir de nouvelles ? Que derrière chaque livre lu, il y a un autre livre à lire, à écrire, infinie suite de palimpsestes, et que cela est beau, heureux, qu'on appelle cela le gai savoir. Merci à vous. Bravo. Ah, c'est pas possible,